La mort encapuchonnée, par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax. Ses amis s'étaient toujours attendus à ce que Ditkin épousât son ancien amoureux, Donald O'Brien. Aussi, leur étonnement fut-il grand lorsqu'on annonça ses fiançailles avec un certain Talbot, qui revenait de l'Inde occidentale. Maximilien Talbot avait 50 ans, Edith 20. Il était né aux Antilles, mais son père était d'origine anglaise. Avant de venir s'établir en Angleterre, il avait amassé une grande fortune. C'était un homme de belle mine, aux manières aristocratiques, et ceux qu'il rencontrait dans le monde prédisaient qu'il ferait un beau mariage. Son choix, cependant, tomba sur Edith, qui, fille d'un père ruiné par des spéculations, n'était point un brillant parti. Edith était pauvre et allait fort peu dans le monde. Mais il arriva qu'elle se rencontra avec Talbot à la campagne, et du jour où il la vit, il devint évident qu'il ne rêvait plus qu'elle. Il fit sa demande et fut accepté, à l'étonnement de tous. On trouva généralement qu'Edith avait agi sagement et suivant son intérêt. Néanmoins, ceux qui la connaissaient mieux continuèrent à être étonnés. Donald O'Brien la courtisait depuis des années. On insinua même, quoique nul n'en fût certain, qu'il avait eu entre eux échange de paroles. Naturellement, il était pauvre, trop pauvre pour être un parti acceptable. Mais on assurait qu'Edith était bien la dernière personne qui pût sacrifier l'amour à l'argent. Il n'en était pas moins certain qu'elle agissait ainsi. Elle épousa M. Talbot un matin de la fin de mai. Mais bien qu'elle fût une très jolie mariée, et malgré la disproportion d'âge, son beau mari parut entièrement digne d'elle. J'assistai à la cérémonie religieuse et je puis déclarer qu'en toute conscience, j'avais rarement vu visage plus aimable que celui de cette mariée, douce et fine, dans ses vêtements blancs. Le couple s'éloigna au milieu des réjouissances habituelles. Entraîné par mes incessants travaux, j'oubliai bientôt les circonstances de ce mariage. 3 mois après, j'étais dans mon cabinet de consultation, fouillant dans un des casiers de ma bibliothèque, quand mon domestique ouvrit la porte et introduisit un visiteur. Je tournai la tête et fus surpris de voir entrer Donald O'Brien. C'était un garçon roux et osseux, mélange d'Écossais et d'Irlandais. Grand et maigre, large d'épaule, ses yeux avaient un reflet rouge, son front était vaste et puissant, ses lèvres minces et son menton, qu'une fossette partageait par le milieu, dénotaient une énergie de bulldog. Je lui souhaitai la bienvenue et lui avançai un siège, en demandant ce que je pouvais faire pour lui. Il me considéra un moment, sans répondre. Je remarquai dans ses yeux une sorte de profond désespoir. Je me rappelais la vieille histoire de son amour pour Edith Keane, et mon intérêt s'éveilla. « Voici la chose, commença-t-il, je suis venu vous consulter. »« Dites-moi vos symptômes, je vous prie, » répondis-je. O'Brien riait rudement. « Le ciel vous bénisse, je me porte bien, » fit-il. « Je ne viens pas comme malade. Vous vous êtes toujours intéressé à Miss Keane, n'est-il pas vrai ?»« Je connais Mrs. Talbot depuis son enfance. »« Oui, oui, » répliqua-t-il avec impatience. « Mais je ne veux point penser qu'elle est la femme d'un autre, si je puis l'oublier. Vous savez qu'elle m'était promise. »« Je ne sais pas qu'il y eut engagement. »« Eh bien, cela était. Il y aura peu. Oh, je ne la blâme pas. » Elle me demanda de lui rendre sa parole. Elle me dit, pauvre fille, qu'elle n'avait point cessé de m'aimer. Mais que son père, qui, comme vous le savez peut-être, a été mêlé plus ou moins à quelques spéculations douteuses, était tombé dans l'embarras. Talbot le tira d'affaire au moment où il allait être déshonoré. Il joua de l'affection d'Edith, lui offrant de sortir son père de peine si elle voulait l'épouser. Cette proposition connue, toute la famille s'employa à décider la pauvre fille. Keane lui-même vint me voir et me supplia de ne pas entraver son sauvetage. Elle joignit ses prières à celles de son père. Je fus assez fou pour céder, bien que je me rendisse compte qu'elle seule se sacrifiait. Elle n'aimait pas le personnage, mais certes, elle ne se doutait pas de ce que serait un mariage avec lui. « Vous parlez comme si vous saviez quelque chose sur Talbot, » fis-je. « Effectivement, et j'y arrive à l'instant. » Je fis une folie, en rendant sa liberté à Edith. « Je l'aime encore à en perdre la tête. » La pauvre fille, pour sauver son père, s'est enchaînée pour la vie, un monstre inhumain. C'est un sacrifice exagéré. O'Brien se leva en parlant et commença à arpenter la pièce. Il était très excité, serrant les poings, tandis que des mots violents s'échappaient par instants de ses lèvres. Calmez-vous et asseyez-vous, lui dis-je après une pause. Sans doute, quelque motif particulier vous a poussé à me venir conter ceci. Vous feriez mieux de vous expliquer sans retard, car mon temps est précieux. Je plaignais le pauvre garçon de tout mon cœur, mais je savais qu'il était nécessaire de le plonger dans le vif de son sujet pour que je puisse lui suivre. Il me regarda fixement, se secoua comme un chien mouillé et s'assit sur la première chaise, légèrement penché vers moi et pressant de ses mains ses genoux solides. « Dieu sait que j'ai pour venir un puissant motif, » dit-il, « le voici. Edith va me trouver la semaine passée. »« Sont-ils donc revenus de leur voyage de noces ?» interrompis-je. « Oui, ils sont installés dans le Surrey, près de Dorking. Talbot y possède un cottage. Edith est parvenue à s'échapper une journée pour venir me voir. » « Ceci, s'il vous plaît, était d'agir en folie, » fis-je. « Je reconnais que c'était risqué, mais que Dieu l'aide. Comment aurait-elle songé aux convenances dans sa terrible position ? Elle désirait me poser une question. Elle souhaitait que je fisse quelque chose pour elle. Pouvez-vous deviner quoi ? Certes non. Je vous le dirai donc. Vous connaissez ma profession. Je fais des expériences scientifiques et m'adonne spécialement à l'étude de la zoologie et en particulier à cette branche connue sous le nom d'ophiologie. J'ai fait plusieurs expériences importantes touchant les poisons des serpents sous la direction du bien connu Sir John Hart. Notre but est de découvrir, à ces terribles venins, des antidotes. On trouve dans l'Inde les serpents les plus dangereux, et parmi ceux-ci, le cobra tient indiscutablement la tête. C'est pourquoi j'ai surtout dirigé mes recherches de ce côté. J'ai eu quelques occasions, à Antwerp, d'étudier la façon dont le cobra attaque et j'ai découvert une méthode pour distiller son venin. Au sujet de laquelle je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Une autre fois, je vous parlerai volontiers des antidotes que je considère comme les plus efficaces. Avez-vous réellement trouvé l'antidote du venin du cobra ? Demandai-je, tellement intéressé que je ne pus m'empêcher de l'interrompre. Je voudrais l'avoir trouvé. Jusqu'à un certain point, nous avons des antidotes, mais pour le présent, aucune n'a prouvé son efficacité lorsque beaucoup de poison est entré dans l'organisme. Mais revenons à Mrs. Talbot. Le jour de sa visite, j'étais précisément de retour d'Antwerp et j'avais été rendre compte de mon voyage à Sir John Hart. En apprenant mon absence, elle demanda à mon domestique de lui permettre d'attendre dans mon laboratoire et quand j'accourus en toute hâte, elle était debout, près de la fenêtre. Elle se retourna au bruit de mes pas et vint à moi, le visage pâle comme la mort et les mains jointes. Vous savez l'attirance particulière de ses grands yeux sombres. Seuls les bons yeux du chien ont autant d'expressive éloquence. Ses regards tombèrent en plein sur moi quand elle s'avança rapidement, mais pendant quelques secondes, ni elle ni moi ne pûmes prononcer une parole. À la fin, je m'écriai brusquement. « Pour l'amour de Dieu, qu'êtes-vous venu faire, Edith ? Vous savez que c'est folie !» Je me sentais tellement troublé à sa vue et à la pensée de la barrière qui nous séparait que je pus à peine me maîtriser. « Vous êtes folle de venir ici, » ajoutai-je. « Je m'étonne de vous voir agir ainsi. Pourquoi ne parlez-vous pas ? Pourquoi tout en vous est-il muet ? À l'exception de vos yeux. Qu'y a-t-il, Edith ? Qu'y a-t-il ? Au nom du ciel, ne me dites pas que ce mariage a fait votre malheur. » Elle leva la main pour m'interrompre. « Je ne suis pas venue vous parler de mon mari, » dit-elle d'une voix hésitante, brisée. « Je ne suis pas venue pour me plaindre de ma terrible position. »« Votre terrible position ? » interrompis-je. « Alors toute cette affaire a été une faute ? » Dieu sait, Edith, que je n'eusse jamais dû vous rendre autre parole. Ne parlons pas de cela, répondit-elle. Je viens aujourd'hui vous demander un conseil, et je pourrai le faire seulement au cas où vous resterez assez maître de vous pour m'écouter tranquillement. La nature de mon mari est double. Il y a, dans son caractère, deux phases distinctes. Parfois, durant une quinzaine à peu près, il est doux, courtois, affectueux. En un mot, il agit en parfait homme du monde. Mais à d'autres moments, sans la moindre provocation, sans qu'on puisse y trouver une raison, j'ai devant moi un homme d'un caractère tout opposé. Quand cette crise le prend, ce n'est plus un homme, mais un démon. Il me torture, m'insulte. Il est cruel, très cruel. Et la misère est telle que je crains souvent que ma raison ne succombe. « Est-il fou ? » demandai-je. « Non, » répondit-elle. « Il n'y a pas trace de folie en lui, tout au moins si on prend ce mot dans le sens habituel. » Il reste froid, posé, est rarement énervé, il semble avoir la malice et l'habileté du diable. Quand il est dans cet étrange état, je puis à peine supporter la vie. Il n'est pas moyen de lui échapper. Je ne puis vous en dire davantage. Je viens à vous, Donald, pour vous supplier de m'aider. Vous collectionnez les venins des serpents. Vous m'avez souvent décrit les symptômes et les effets certains de la piqûre de cobra. Donald, voulez-vous me donner une fiole de ce poison ? Et pourquoi, au nom du ciel ? M'écriai-je. Ai-je besoin de vous répondre ? Après ce que je viens de vous raconter, je désire avoir un poison sous la main pour le prendre si je ne puis trouver d'autre moyen d'échapper à mon terrible mari lorsque ses cris le saisissent. Folie ! Fis-je, le chagrin vous fait perdre la tête. En entendant ceci, docteur Halifax, elle s'affaissa sur elle-même et pleura si amèrement que jamais je n'avais ouï pareil sanglot. J'étais debout, la considérant sans pouvoir parler, comme si j'eusse été un chien au lieu d'un homme. Je souffrais la pire torture qu'on puisse infliger. Je l'aimais à la folie et je ne pouvais rien pour elle. Je n'osais même essayer de la consoler. Quand ses larmes l'eurent un peu soulagée, elle recommença à me supplier. « Exaucez mon vœu, » fit-elle. « Je vous promets sincèrement de ne point user du poison, sauf le cas d'absolue nécessité. Simplement, sentir que j'ai le moyen de mettre fin à ma misère me donnera des forces. Au nom de l'amour que vous avez eu pour moi, au nom de celui que je vous rendais, Donald, soyez assez généreux pour m'exaucer. « Non, non, » déclarai-je, « je dois vous sauver de vous-même, quoi qu'il m'en coûte. » Je répétais ceci plusieurs fois. À la fin, elle tomba à mes genoux. Je refusai encore. Quand elle vit ses supplications inutiles, elle cessa de m'implorer et s'assit, immobile, les yeux fixés sur la fenêtre. Mon domestique vint me prévenir qu'un messager de Sir John Hart désirait m'entretenir un instant. Je m'absentai 3 minutes. Quand je revins, Edith se leva et me tendit la main. « Au revoir, » dit-elle. Ses manières avaient complètement changé. Ses larmes s'étaient séchées. Ses beaux yeux étaient voilés et ne laissaient plus parler son cœur torturé. Je la suivis des yeux et me sentis soulagé de la voir s'éloigner, calme, bien que je n'ignorasse point combien cette sérénité était affectée. Une demi-heure après, je rentrai dans mon laboratoire. Quelle ne fut pas ma terreur d'apercevoir la clé sur la porte du petit cabinet dans lequel je rangeais mes poisons. Habituellement, je les enfermais soigneusement. Mais je me rappelais soudain, et trop tard, qu'à mon retour d'un toit, j'y avais placé quelques nouveaux flacons renfermant d'importants spécimens de venin et avait hélas oublié de retirer la clé. Edith s'était-elle aperçue de cette fatale étourderie? Je courus au placard, l'ouvris et vis qu'au milieu de la rangée régulière de fioles cachetées avec soin, une manquait. Il ne pouvait y avoir le moindre doute sur ce qui en était advenu. Edith s'était emparée d'un flacon de venin. Ceci m'expliquait son calme en s'éloignant. Je ne puis dire ce qui se passa en moi quand je fis cette découverte. Après un moment de réflexion, je résolus de venir vous demander conseil. Me voici, que dois-je faire ? Vous êtes véritablement dans une terrible position, répondis-je. Je m'en rends compte, mais n'avez-vous rien d'autre à me dire ? Le poison qu'a pris Mrs. Talbot est-il mortel ? Demandai-je. Oui. Elle est tombée sur du venin de cobra, dont l'effet serait fatal et instantané. Elle a pris une fiole de celui que nous appelons peptone venimeux, composé des plus mortels éléments du venin de cobra. Ne perdons pas de temps là-dessus. Comment avoir cette fiole ? Ici, O'Brien fixa anxieusement sur moi son regard fauve. « Vous êtes un homme de ressources. N'avez-vous rien à me suggérer ? » demanda-t-il avec impatience. « Il faut évidemment faire quelque chose, » répondis-je. « Oui, mais quoi ? Dois-je, étant donné les circonstances, aller la trouver ?»« Certainement non, » répliquai-je. « Un homme comme Talbot est certainement dévoré par la jalousie. Il se peut qu'il ait entendu parler de votre ancien amour pour sa femme. Une visite de vous, au cours de cette crise, risquerait de précipiter le malheur que nous craignons. « Allez-y donc, Halifax, » dit O'Brien. « Je voudrais savoir comment je le pourrais sans élever les soupçons. Trouver quelque subterfuge, inventer quelque chose pour expliquer votre présence. » Je réfléchis profondément. « J'ai trouvé, » dis-je après un moment. « Où dites-vous qu'habite Talbot ?»« À Surrey, près de Dorking. »« Et c'est aujourd'hui samedi après-midi ?» demandai-je précipitamment. « Quel rapport cela a-t-il ? Un fort important, en ce qui me concerne. J'ai beaucoup plus de loisirs le samedi après-midi que tout autre jour. Le cas est pressant. Edith est une vieille amie. Tout va bien, Brian, je réussirai. Le ciel vous entende. Ne me direz-vous pas ce que vous comptez faire ? Impossible. je ne le sais pas bien moi-même. J'irai cette nuit à Dorking, descendrai au Cheval Blanc et me présenterai chez Talbot demain matin de bonne heure pour rendre visite à ma jeune amie. « Comment vous remercierai-je ? » s'écria O'Brien. Il s'élança sur ma main, qu'il serra avec violence. « Je reprendrai la fiole à Mrs. Talbot avant de revenir en ville, » répondis-je. « Comment ? Je ne puis le dire, mais d'une manière ou d'une autre, je le ferai. À présent, laissez-moi et soyez sage, car j'ai deux malades à voir avant mon départ. » 2 heures plus tard, j'étais dans le train de Dorking. Je passai la nuit au Cheval Blanc, et le lendemain matin, peu après déjeuner, me dirigeai vers la demeure de Talbot, qui était agréablement située sur un coteau à peine distant de 2 milles de Dorking. La maison était un grand et bas cottage. Elle était pittoresquement construite et entourée de jardins soigneusement entretenus. La propriété s'appelait Les Ormes. Comme je parcourais l'avenue, ombragée d'une double rangée de cette espèce, j'aperçus sur une des pelouses Mrs. Talbot, causant avec son mari. Ils formaient un couple de belle allure, leur silhouette se détachant nettement sur le ciel bleu. Ils causaient amicalement, comme en témoignait le rire d'argent d'Edith, qui résonnait tandis que je m'approchais d'eux. Rien dans leur attitude ne pouvait faire soupçonner la plus légère mésintelligence. Toutefois, me rappelant les paroles de O'Brien, j'en conclus que Talbot était dans ses beaux jours, et regrettait presque de n'avoir pas l'occasion de le voir dans l'état opposé. Edith m'entendit marcher et se tourna pour voir qui venait troubler la paix de leur dimanche. Nous avions toujours été bons amis. Il rougit de plaisir en me voyant. Talbot, de son côté, me souhaita courtoisement la bienvenue. C'était vraiment un fort bel homme. Sa voix était claire, parfois langoureuse. Il était affligé d'un léger bégaiement qui parfois irritait presque. Ses mots étaient toujours parfaitement choisis, et lorsqu'il s'adressait à sa femme, son attitude était extrêmement douce et courtoise. Je remarquai pourtant, en l'examinant soigneusement, qu'une gêne apparaissait parfois dans ses yeux gris et froids. Cela disparaissait aussitôt, mais j'observai par la suite que Mrs. Talbot semblait surveiller ce symptôme avec une anxiété mal dissimulée. En ce moment, aucun nuage ne voilait leur ciel. « Je suis charmé de vous voir, docteur Halifax, » dit Mrs. Talbot. « Je sais que mon mari se joint à moi pour vous déclarer le bienvenu. N'êtes-vous pas heureux de voir le docteur, Max ?»« Je suis ravi, ma chère amie, d'accueillir un de vos amis aux Ormes, » répondit Talbot. « Mais où êtes-vous descendu et par quel hasard nous arrivez-vous » me demanda Edith. « Je suis logé au Cheval Blanc, » répondis-je. « Je me sentais presque surmené et j'ai juré qu'une journée de repos à la campagne me remettrait de l'aplomb. Cela doubla le plaisir que j'attendais de mes vacances d'apprendre que Dorking était à peu de distance de chez vous. « Vous ne resterez pas plus longtemps au Cheval Blanc, » déclara Mrs. Talbot. « Vous allez vous installer ici. N'ai-je pas raison de prier le docteur d'être notre hôte ?» continua-t-elle, les yeux tournés vers son mari. « Certainement, » répliqua-t-il, « nous serons fort heureux que vous veniez chez nous, docteur Halifax, et que vous restiez aussi longtemps que vous pourrez vous absenter de Londres. Je puis envoyer de suite un domestique au Cheval Blanc pour chercher vos bagages. » Après un moment de réflexion, je répondis en souriant, « Je serai enchanté de passer la journée avec vous, mais il faut que je rentre à Londres demain de très grand matin. Ce n'est donc pas la peine d'envoyer chercher mes bagages. « Il est préférable que je couche au Cheval Blanc, mais je resterai ici jusqu'à ce soir, avec plaisir. »« Ceci vaut mieux que rien, » dit Edith. « Maintenant, voulez-vous venir visiter le jardin ? Nous sommes si fiers, moi du moins. »« Ma femme a une passion pour les orchidées, » dit Talbot. « Les aimez-vous ? » Je répondis en plaisantant et nous passâmes les 2 heures suivantes dans les serres et dehors nous promenant sur les magnifiques pelouses. Puis nous entrâmes dans la maison pour le lunch. Je ne pus faire autrement que de remarquer l'odeur et la qualité particulière du vin, dont Talbot buvait beaucoup. En apparence, cela n'avait pas d'effet sur lui, ne colorant nullement sa face et n'éclairant pas ses yeux froids et sombres. Un regard me suffit pour voir qu'il était habitué à absorber une grande quantité de poison, car malgré son calme extérieur, j'acquis la certitude que le vin avait sur lui les effets d'un poison. Au lieu de tenir le haut de la table, Mrs. Talbot s'assit près de son mari et, à ma grande surprise, prit soin de remplir son verre chaque fois qu'il le vidait. Elle faisait ceci très naturellement et jamais il ne semblait remarquer son acte, mais chaque fois qu'elle lui présentait le verre plein, il le buvait invariablement. Après le lunch, il vint un instant près de moi. « Je suis victime d'une fort désagréable sorte de névralgie, » dit-il, « et suis forcé de la combattre au moyen de calmants divers, notamment à l'aide du vin qui agit sur moi comme un narcotique. Vous m'excuserez d'aller dormir 1 heure, J'espère vous rejoindre tantôt dans le jardin. » Nous prendrons le thé à 4 heures, dit Mrs. Talbot. Vous nous trouverez dans le jardin, dès que vous aurez terminé votre sieste. Il lui donna sur l'épaule une légère tape avec un affectueux sourire qu'elle lui rendit gaie et animée. Puis elle me pria de la suivre dehors. Le moment était venu d'exposer le vrai motif de ma visite. J'éprouvais quelques difficultés à rompre la glace, ce qui me fit garder quelque temps le silence, répondant à peine au babil léger enjoué de ma jolie compagne. Elle semblait si fraîche et animée, si jeune et paisible, que je ne pus m'empêcher d'espérer qu'O'Brien avait exagéré l'aventure et que Mrs. Talbot n'avait jamais pensé à mourir volontairement. Pourtant, il n'était point douteux que le flacon de venin eût disparu du laboratoire de O'Brien, et nul autre qu'elle ne pouvait s'en être emparé. Pardonnez-moi de vous interrompre, dis-je tout à coup. Nous sommes seuls, et je ne dois pas laisser s'enfuir cette occasion. Je désire vous dire pour quel motif je suis venu. À ces mots, elle devint pâle. Ses jolies lèvres tremblèrent, et elle me lança un regard qui me causa une réelle peine. J'évitai de la regarder de nouveau, et commençai à parler lentement et posément. Hier, Donald O'Brien est venu me voir. Ah, fit-elle, il a découvert. Oui, continuai-je, il a découvert ce que vous aviez fait. Vous avez pris dans son laboratoire un flacon qui contient un poison mortel, après l'avoir vainement supplié de vous en donner. Tandis qu'il était sorti de la pièce, vous avez volé le flacon. Pardonnez-moi de me servir de ce mot. Qu'importe, répondit-elle. Elle pressa de ses mains sa poitrine haletante. Oui, cela est vrai. J'ai pris la bouteille. Sans son consentement, et je sais, je suis heureuse de savoir qu'elle contient un poison mortel. Vous ne devez pas la garder, dis-je d'un ton ferme. Je suis venu la chercher. Voulez-vous me la porter? Elle me regarda avec un mélange de terreur et d'étonnement sur son visage. Pensez-vous réellement ce que vous dites? Demanda-t-elle, sans doute. Eh bien, je vous défie, je ne vous le rendrai pas. En ce cas, commençai-je, elle m'interrompit vivement. « Ne me dites pas ce que vous allez dire, » s'écria-t-elle. « Vous allez savoir la vérité. »« J'ai pris le poison, mais je ne compte pas m'en servir. »« Cela me soutient de savoir que je l'ai en ma possession. »« Mais sauf le cas d'urgence absolue et terrible, je ne me déterminerai jamais à attenter à ma vie. » »« Rassurez Donald sur ce point. »« Dites-lui au nom de l'amour que j'ai pour lui, de croire que je dis la vérité. » Je posai un instant ma main sur le bras de Mrs. Talbot. Avant que nous discutions si vous conserverez ou non le flacon, dis-je, je vais vous dire quelques mots touchant un autre sujet. Lorsque j'arrivai ce matin, aucune jeune femme ne pouvait paraître plus heureuse, aucun ménage plus uni que le vôtre. Vous révélâtes à O'Brien d'étranges choses. Voulez-vous me les répéter? C'est la vérité, répondit-elle à voix basse. La nature de mon mari présente 2 aspects différents. Tantôt c'est un ange, tantôt un démon. Mais plus cela va, plus le démon domine l'ange. Oh mon Dieu, mon Dieu! Je ne puis supporter plus longtemps cette agonie. Quand il est dans sa période de méchanceté, il me torture de la façon la plus cruelle et la plus terrible. Son seul plaisir est de me pousser au désespoir. Je vois ses yeux se remplir de joie lorsqu'il se rend compte que je frémis et que je souffre. Savoir que j'ai dans la main une arme pour le priver tout à coup de seul intérêt de sa vie, me rendre incapable de réagir contre ce supplice, croyez-moi, j'apprécie la valeur de ma vie et ne vais la rejeter qu'en cas d'implacable nécessité. Vous êtes infiniment à plaindre, répondis-je, et j'ai besoin de vous dire que je souhaiterais, plus que je ne puis l'exprimer, qu'il me soit donné de vous soulager. Votre mari doit avoir un caractère fort étrange, car même l'observateur le plus attentif ne pourrait discerner dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Je voudrais que vous le vissiez un autre jour. J'essaierai. Je puis arriver à déterminer les causes et à expliquer les raisons scientifiques d'un changement aussi effrayant. Oh, il n'est pas fou, dit-il. Nous ne nous tirerons pas l'affaire de ce côté. Eh bien, fis-je, j'aviserai à quelque moyen de le voir quand son humeur changera de la façon que vous dites. Il sera devant vous prévenant et gracieux. J'essaierai de le surprendre hors de garde, répondis-je. Mais revenons à vous, Mrs. Talbot. Il faut me remettre la fiole de poison. Quelles que soient les circonstances, vous n'avez pas le droit d'attenter à vos jours. Votre vie vous a été donnée par Dieu. Il serait infâme de rejeter ce don. Si vous attendez patiemment le bon plaisir divin, je ne doute pas que vous soyez tiré un jour de votre misère. Vous étiez une brave fille autrefois. Je vous ai connue enfant. Aucune vie ne peut être intolérable à ceux qui implorent l'idée d'en haut. Je ne suis point un fervent, mais je crois au pouvoir divin. Allez me chercher la fiole de poison, nous la jetterons ensemble. Ne gardez pas plus longtemps votre possession cette tentation terrible. » Pendant que je parlais, Mrs. Talbot restait debout, les mains jointes. Sa face était d'une pâleur mortelle et ses yeux avaient une expression déchirante d'infini désespoir. « Pensez au supplice que vous infligez à l'homme que vous avez aimé, » dis-je après une pause. À ces paroles, elle devint cramoisie. « Attendez-moi ici, » chuchota-t-elle d'une voix rauque, « je vais chercher le flacon. » Elle courut à la maison. Je ne pus m'empêcher de réfléchir en grande anxiété à son cas. Mrs. Talbot revint plus vite que je ne m'y attendais. Elle semblait surexcitée, presque folle. « Je ne puis trouver la fiole de poison, » s'écria-t-elle. « J'ai cherché partout, elle a disparu. » Un moment, je crus qu'elle me trompait, mais un regard fixé sur elle m'assura qu'elle disait la vérité. « En êtes-vous sûre ? » fis-je. « Certaine ? » répondit-elle. En parlant, elle s'appuya contre un homme voisin. Elle tremblait de la tête aux pieds. « Je n'ai pu rien comprendre, » fit-elle. « Je n'imagine pas comment on a pu la découvrir. Un des meubles de ma chambre possède un tiroir secret. Nul, hors moi, n'en connaît l'existence. » J'apportais ce meuble de chez moi et m'en sers depuis que nous habitons les Ormes, pour cacher les trésors qui m'appartenaient lorsque j'étais une heureuse jeune fille. Quand je dérobai à O'Brien la fiole de poison, je la mis immédiatement dans le tiroir secret. Elle y était hier, je le sais. Aujourd'hui, quand j'ouvris le tiroir, il était vide. Oh, qui a fait cela ? La fiole peut être tombée derrière le tiroir, dis-je. Êtes-vous sûr d'avoir bien cherché ? Absolument sûr. J'ai fouillé tous les coins, le poison a disparu. À peine avait-elle dit ces derniers mots que Talbot apparut, traversant lentement la pelouse. Edith recouvrit sa sérénité comme par magie. Elle courut à son mari et lui demanda tendrement comment il se trouvait. « Mieux, ma chérie, » répondit-il, lui lançant un regard aigu et rapide. « Je suis heureuse de savoir que vous êtes rétablie sans morphine. »« Oh !» dit Talbot souriant, « il ne faut pas être ainsi indiscrète, petite fille. Mais après tout, Halifax n'est pas un médecin ordinaire. Le fait est, » ajouta-t-il en se tournant vers moi, « que ma névralgie devient parfois si insupportable que je suis forcé pour me soulager de recourir à la morphine. Et j'ai appris à ses délicats petits doigts, » il prit dans la sienne la main de sa femme, « à se servir de la seringue hypodermique. » « Comme médecin, je dois protester, » répondis-je, « l'usage de la morphine est extrêmement mauvais pour vous. À forte dose, je vous l'accorde, mais pas comme j'en prends, » répliqua Talbot. À ce moment, un domestique apparut, portant un plateau à thé, et notre conversation dériva vers des choses indifférentes. Je n'avais pas encore atteint le but de ma visite. L'étrange disparition du poison me causait un certain malaise. Néanmoins, je n'eus pas l'occasion d'en reparler à Mrs. Talbot, et l'heure arriva, où je devais prendre congé de mes hôtes pour retourner au Cheval Blanc. Comme je me tenais au moment du départ sous la véranda avec Talbot, il baissa la voix. « J'ai souvent entendu vanter votre science médicale, » dit-il. « Je souhaiterais vivement vous trouver quelques jours et vous exposer mon cas. »« Ne souffrez-vous pas de névralgie ?» demandai-je. « Oui, et d'autres choses encore. »« Pouvez-vous me fixer un jour et une heure où je vous rencontrerai dans Harley Street ?»« Certainement, » répondis-je. « Voulez-vous demain à midi ?»« Autant demain qu'un autre jour, » répliqua-t-il. Je pris note du rendez-vous et m'éloignai peu après. Talbot m'accompagna le long de l'avenue. « Demain, à midi, » dit-il, comme nous nous séparions. Il se tourna pour s'éloigner, hésita et revint vers moi. Par la même occasion, j'aimerais poser au médecin une question. « Avez-vous jamais entendu dire qu'une personne, mordue par un cobra, en est réchappée ?» Me rappelant Mrs. Talbot et la fiole de poison, cette remarque me fit tressaillir. Il faisait clair de lune et je vis un éclair, fugitif et gêné, passer dans les yeux de Talbot. « Eh bien, » fit-il, voyant que j'hésitais, « je connais peu les effets des piqûres de serpent, » dis-je. « Je crois pourtant qu'un homme mordu par un cobra aurait plus de chance d'être sauvé. »« Vous voyez devant vous un homme qui a échappé à cette mort, » répondit-il. « Il y a quelques années, dans l'Inde, un cobra enfonça ses crocs dans ma jambe. Je fus sérieusement mordu. J'étais à deux doigts de la mort, mais j'en revins. Depuis, je n'ai jamais été le même homme. Je surmontai les effets du poison, mais mes nerfs furent détruits. « Bonne nuit !» Il me tendit la main. Je la pris. Elle était flasque et sans nerfs, froide comme un poisson. « Dieu soit en aide à cette pauvre fille !» ne pus-je m'empêcher de murmurer, tandis que je revenais au cheval blanc. Je me couchai, mais la pensée de ce couple, si mal assortie, remplit mes rêves. Au milieu de la nuit, je fus éveillé par des coups violents frappés à ma porte. Je sautai sur mes pieds et ouvris. L'aubergiste était sur le seuil. « S'il vous plaît, monsieur, dit-il, on vous demande immédiatement aux ormes. Monsieur Talbot est au plus mal. Une voiture vous attend à la porte, et Mrs. Talbot vous prie de venir sans délai. « Dites au messager que je descends à l'instant, » répondis-je. Je me vêtis en hâte, et glissai dans ma poche une petite trousse, sans laquelle je ne voyageais jamais, et montai en voiture. Elle m'amena rapidement à la villa. Comme nous montions l'avenue, je vis que la maison était pleine de lumière, des gens couraient de tous côtés. Quand nous atteignîmes la porte, un domestique accourut ouvrir la portière. « Madame vous attend immédiatement dans le petit salon, » dit-il. On m'introduisit dans une jolie petite pièce où se tenait Edith. Elle était vêtue d'une longue robe blanche, son épaisse chevelure répandue en désordre sur son cou et ses épaules. Ses yeux étaient égarés, son visage effroyablement pâle. Elle vint à moi et me saisit la main. « Oh, que faire ? » cria-t-elle. « Essayez de vous calmer et me dire ce qui est arrivé, » répondis-je. « Je ne puis supporter cela, » s'exclama-t-elle, se tordant frénétiquement les bras. « Comment puis-je vous dire ce qui est arrivé ? » « Il faut l'essayer, ma pauvre chère dame, si vous voulez que je vous aide. Vous m'avez envoyé chercher parce que votre mari est très malade. Ne ferais-je pas mieux de l'aller voir ?»« Oui, il est malade, mourant, » répondit-elle. « Il faut que je vous mette au courant, aussi brièvement que possible. » Lorsque mon mari est souffrant, je couche habituellement dans une chambre voisine. Je l'entendis gémir et accourus près de lui. Comme de coutume, avant qu'il aille au lit, je lui avais fait une piqûre de morphine. Je pensais qu'il avait besoin d'une dose plus forte. Dès que j'entrais, le son de sa voix m'apprit qu'il était dans une de ses crises diaboliques. Il m'appela d'un ton terrible et irrité. Il me dit qu'il avait découvert la fiole dans mon secrétaire et qu'il savait que je l'y cachais dans le dessein d'attenter à ses jours. Il m'accusa de l'avoir piqué, non avec de la morphine, mais avec ce terrible venin de cobra. « Il doit avoir perdu la tête, » fis-je. « Non, non, il est seulement dans cet état qui le fait ressembler à un démon plus qu'à un homme. » Il dit qu'il est certain de mourir et qu'on m'arrêtera pour ce meurtre. Oh, cela se peut-il, docteur Halifax? Est-il possible qu'on ajoute foi à cette monstrueuse histoire? Dites-moi au moins, vous, que vous n'y croyez pas. Sûrement, je n'y crois point, répondis-je. Mais laissez-moi aller près de lui, maintenant. S'il est réellement empoisonné de la façon que vous dites, ce doit être par lui-même. Ce poison est terrible et ses effets sont presque instantanés. Il doit être bien près de mourir. L'important est d'essayer de sauver sa vie. Ceci est nécessaire pour son salut et pour le vôtre. » Un des domestiques était présent quand il m'accusa de lui avoir fait une injection avec le contenu de cette terrible fiole, dit Edith. « Oh, pourquoi l'ai-je prise à Donald ? J'en suis bien puni, maintenant. Comment sortir de cette affreuse situation ?» Je me rendis compte que la frayeur et l'inquiétude mettaient hors d'elle la pauvre femme. Je compris aussi que sa présence dans la chambre de malade ne me serait d'aucune utilité. « Restez ici jusqu'à ce que je revienne, dis-je, et croyez que je suis votre ami et que je ferai tout pour vous sauver. » Je montai et un domestique m'introduisit dans la chambre. Le malade était couché sur le dos, les bras rejetés sur les couvertures. Il respirait difficilement et ses yeux étaient grands ouverts. De temps à autre, ses doigts se crispaient et une légère convulsion agitait son corps. Néanmoins, il conservait sa connaissance. Lorsqu'il me vit, ses lèvres s'entr'ouvrirent et il commença à parler précipitamment avec une énergie nerveuse. « Ce qu'elle souhaitait est arrivé, » dit-il. « Est-ce vous, Halifax ? Je suis content que vous soyez venu. » Elle cachait dans un de ses tiroirs une fiole de venin de cobra, dans le but de me l'injecter. Il y a une heure, elle a accompli son acte diabolique. Je vais mourir. Par le fait de cette aimable jeune femme à laquelle j'ai donné tout ce qui était en mon pouvoir. En retour, elle a essayé de m'assassiner. Eh bien, je souhaite qu'elle n'échappe pas au châtiment. Accusez-vous sérieusement votre femme de vous avoir empoisonné, dis-je? Cela est, répondit-il. Comment le fit-elle? En m'injectant dans le bras du venin de cobra au lieu de morphine. Où prit-elle le poison? Je viens de vous dire qu'il était renfermé dans une petite fiole, laquelle était cachée dans son secrétaire. Où est la bouteille? Quand je lui posais ces dernières questions, un éclair de ruse jaillit des yeux de Talbot. « Vous feriez mieux de le lui demander, » dit-il d'un ton maussade. « Bien, tenez-vous tranquille et laissez-moi vous examiner. » Je n'avais jamais vu d'homme mordu par un serpent, et ne me sentais point capable d'apprécier les symptômes, comme je le fis en d'autres circonstances. Mais en examinant de nouveau Talbot, il m'a paru que son mal différenciait absolument de ce que je me représentais être les effets logiques d'un venin mortel. J'ouvris ses yeux pour observer ses pupilles, elles étaient contractées. Ses yeux étaient brillants de fièvre, des gouttes de sueur couvraient son front. Il n'était pas seulement sous l'empire d'une violente souffrance, mais paraissait aussi en proie à un accès de surexcitation intense. « Pouvez-vous me faire prendre un antidote ?» demanda Talbot d'une voix brève et tremblante. « Je vais vous donner quelque chose qui vous calmera, » répondis-je. « Pour le moment, soyez tranquille. » Je pris son poignet. Les battements du cœur n'étaient nullement affaiblis. Le pouls battait vite et avec force. Le cœur allait comme un marteau. Tandis que j'étais à son côté, il commença à parler précipitamment dans une sorte de demi-délire. « Nous sommes quittes, ma veuve, l'héritière de ma fortune. J'ai mis un bâton dans vos roues. » Il revint à lui et me regarda d'un air soupçonneux. « Je n'ai pas besoin près de moi de ces domestiques stupides et balourds, » dit-il. « Pouvez-vous rester, Halifax? Je désire établir clairement ce qui est arrivé. Peut-on appeler un magistrat ?» Je répondis en baissant la voix que je désirais faire rester les domestiques dans l'antichambre. Venin ou non, l'homme n'était pas moribond. Je connaissais les antidopes de plusieurs poisons, mais je pensais soudain que la seule personne qui pouvait soulager Talbot était O'Brien, qui avait consacré plusieurs années à cette étude spéciale. Je décidai de l'aller trouver immédiatement. Après avoir ordonné au domestique de rester dans l'antichambre, je descendis dans le salon où la pauvre Edith était assise, les coudes sur la table, le visage dans ses mains. Elle releva la tête en m'entendant, ses yeux étaient pleins d'égarement. « Écoutez-moi, lui dis-je. Il ne faut, sous aucun prétexte, perdre votre sang-froid. Je suis persuadé que je parviendrai à vous tirer de là, mais il est nécessaire que vous soyez calme et que ne vous montriez aucune crainte. Naturellement, vous êtes innocente. Je vous connais assez pour savoir que vous ne tueriez pas plus un homme qu'une mouche. Mais l'affaire est délicate, et il est indispensable à votre propre salut que vous ne paraissiez pas trop abattu devant les domestiques. Vous ferez rester un ou deux de vos gens dans l'antichambre pour le cas où le malade deviendrait furieux. Mais si vous sentez la force de caractère suffisante pour retourner près de votre mari, je souhaiterais que vous le fassiez, que vous restiez près de lui jusqu'à ce que je revienne. « Allez-vous me quitter ?» demanda-t-elle avec un cri d'angoisse. « Pour peu de temps, il faut que j'aille à Londres. Pourquoi »« Pourquoi ? » fit-elle, les lèvres tremblantes. « Il faut que je voie O'Brien. Ma conviction intime est que votre mari n'a pas pris de poison. » Elle se dressa avec un cri de joie. « Mais je n'en suis pas certain, » ajoutai-je, « et il faut que je voie O'Brien. » Le venin de cobra agit presque instantanément, et les symptômes que présente votre mari, quoique dangereux, ne semblent pas présager la mort. Il m'est toutefois impossible de deviner comment cela finira. C'est pourquoi je veux consulter O'Brien. Talbot a absorbé pendant longtemps une grande quantité d'alcool. Il est possible que cela retarde l'action du poison. S'il existe un antidote, O'Brien le connaît. J'y vais par le premier train. Nous cherchâmes dans l'indicateur. Un train partait de Dorking entre 3 et 4 heures du matin. En me mettant en route immédiatement, je pouvais le prendre. Edith sonna, ordonna d'atteler la voiture, et 3 minutes après, je roulais vers la gare de Dorking. Mrs. Talbot s'était maîtrisée avec une facilité extraordinaire, et quand je la priai de nouveau de prendre place au chevet de son mari, elle promit de m'obéir. J'atteignis la gare juste à temps pour prendre le train, et de grand matin, je me retrouvai à Victoria. Je hélai un cab et me fis conduire droit chez O'Brien. Il était de trop bonne heure pour que les domestiques fussent levés, mais il me semble avoir une lumière dans le laboratoire. Je carillonnais, et à ma grande satisfaction, O'Brien lui-même vint m'ouvrir. « Au nom du ciel, qu'est-il arrivé, Halifax ? » demanda-t-il. « J'ai besoin de vous parler immédiatement, » répondis-je. Il était très impressionnable, et ma présence parut le bouleverser. Il me conduisit vivement dans son laboratoire, ferma la porte et revint à moi. « Vite, » dit-il, « au nom du ciel, ne me laissez pas en suspens. Est-il arrivé quelque chose à Edith ? Oh mon Dieu, si perdant la tête, elle s'est empoisonnée. Je ferai de même. Parlez, Halifax, parlez !» « Calmez-vous, dis-je. Ce que vous craignez n'est pas arrivé. Il n'en est pas moins vrai que les choses vont assez mal là-bas. J'y ai passé la journée d'hier. Je restais quelque temps seul avec Mrs. Talbot et l'interrogeais sans détour au sujet de la peptone de venin. Elle avoua qu'elle l'avait, mais ne voulait pas s'en défaire. Après quelques paroles, j'obtins qu'elle me la remit. Elle alla chercher le flacon et revint au bout de quelques instants m'annoncer qu'il avait disparu. Elle était fort troublée et ne pouvait s'expliquer cette disparition. Nous ne pûmes discuter là-dessus, car Talbot survint. Je quittai les Ormes tard dans la soirée et revins au Cheval Blanc. Au milieu de la nuit, on vint m'appeler auprès de Talbot, qui, à ce que disait le domestique, était dans un état alarmant. À mon arrivée à la ville, Mrs. Talbot m'attendait dans un petit salon. Elle me dit que son mari l'accusait de lui avoir fait une piqûre au bras, en employant du venin de cobra au lieu de morphine. « La brute ! Impossible !» s'écria O'Brien. « Tâchez d'être calme, O'Brien. Ce n'est pas le moment de vous mettre hors de vous. Naturellement, la pauvre femme est innocente. Ceci ne fait pas de doute. Mais j'ai grand-peur que les choses tournent mal pour elle si Talbot meurt. La première chose à faire est d'essayer de le sauver. S'il meurt, le cas de la pauvre femme deviendra mauvais, encore qu'elle soit innocente. » Jamais je ne vis homme plus pâle que O'Brien durant ce récit. Existe-t-il un antidote à ce poison ? Demandai-je précipitamment. Avant de répondre, il s'appuya contre un vieux bureau de chêne. Le cas est désespéré, Halifax, dit-il alors. La fiole que prit Edith dans mon armoire contenait une préparation de venin de cobra que nous appelons peptone de venin. C'est l'essence même de venin. Rien ne peut sauver l'homme qui a dans ses veines le contenu de ce flacon. C'est un homme perdu. Que dis-je ? Il est mort à présent. Vous avez étudié à fond ce poison ? Demandai-je. À fond, je le crois. Je regardai ma montre. J'ai encore quelques instants avant de reprendre le train pour Dorking, dis-je. Donnez-moi quelques détails sur les symptômes, cela pourra m'éclairer. Volontiers. Peut-être ferais-je bien de vous dire tout d'abord comment on obtient ce poison. Je le recueille à l'aide d'une boucle à serpent que je lie autour du cou du cobra. Je glisse, sous la gueule, le bord d'une saucière. Le cobra se met en colère, ouvre ses crocs et en saisit le bord de la saucière qu'il mord furieusement. Bientôt, un mince filet jaune découle. C'est le venin. Son aspect est assez inoffensif. Il n'a ni goût ni odeur. Cependant, si on l'injecte sous la peau, la victime devient immédiatement hébétée et faible. Dans quelques cas, la mort arrive au bout d'une minute. Mais ceci se présente rarement, à moins que la dose ne soit forte ou entre par hasard dans une veine. Le cœur s'affaiblit immédiatement, pour reprendre un peu au bout de quelques instants. La respiration devient plus lente et plus faible. La paralysie gagne les jambes. La poitrine cesse de se soulever et la mort suit promptement, généralement sans convulsion. Si par grand hasard la victime survit à l'injection plus d'une demi-heure, la partie blessée enfle et les chairs se dissolvent comme si elles fondaient. Une horrible putréfaction commence, les chairs fourmis de verre qui, comme vous savez, sont la cause de la décomposition. Cependant, l'appareil respiratoire devient faible et cesse d'actionner les muscles qui ne peuvent soulever la poitrine. La victime meurt finalement par étouffement. Avec la dose que j'ai recueillie dans la petite bouteille, la mort sera certaine. Je fais cette remarque pour vous montrer qu'il n'y a pas d'antidote et que probablement Talbot a déjà rendu le dernier soupir. En ce cas, fis-je, sautant sur mes pieds et parlant avec animation, mon espoir devient certitude. Aucun des symptômes que vous venez de décrire ne sont survenus. Quand je vis le malade, le cœur n'était nullement affaibli. Au contraire, il battait avec force et l'état paraissait fiévreux. Voici ce que je crois. Cet homme n'est pas entièrement responsable de ses actions. En le voyant, j'ai remarqué dans ses yeux un regard étrange. Je pense que son cerveau est partiellement affaibli. Il me dit, l'autre soir, qu'il avait été mordu par un cobra, il y a quelques années, dans l'Inde. La morsure devait être fort légère car sa vie fut sauve. Il me déclara que depuis cette époque, son système nerveux avait toujours été surexcité. On ne saurait douter que depuis son mariage, il ait été très jaloux de sa femme. Quiconque a été mordu par un serpent de n'importe quelle espèce éprouve, jusqu'à sa mort, une horreur instinctive des reptiles. Je dois reconnaître que Talbot n'est pas un personnage très scrupuleux. Il est évident qu'en découvrant la fiole de venin, cette simple vue a excité en lui un violent ressentiment. Ses nerfs, déjà gravement malades, s'ébranlèrent. Il perdit toute mesure et forma le projet diabolique de perdre sa malheureuse victime. Merci, O'Brien. Je puis maintenant retourner à la villa. Je vois clair dans ce mystère. Comme je vous le disais, j'avais en venant ici un espoir qui s'est changé en certitude. Ne puis-je vous accompagner ? Demanda O'Brien. Je suis tellement inquiet de l'état dans lequel doit être la pauvre femme. Il vaut mieux que vous demeuriez, répliquai-je, votre présence dans ces circonstances ferait plus de mal que de bien. » Je le quittai, remontai dans mon cab et retournai à Victoria. Je pris le train presque aussitôt et me trouvai encore de retour à Dorking assez tôt dans la matinée. J'avais demandé que la voiture de Talbot m'attendît et me fit conduire à la villa. Un domestique vint ouvrir la portière. « Votre maître est-il vivant ? » demandai-je. « Oui, monsieur, » répondit-il. Je ne pus m'empêcher de pousser un soupir de soulagement et de joie. Même en admettant que l'action du poison fut retardée par la présence de l'alcool dans l'organisme de Talbot, s'il s'était réellement piqué avec du venin, il aurait depuis longtemps succombé à une aussi forte dose. Je montai, prêt à l'action, et entrai sans frapper. Talbot était assis dans son lit, le visage très rouge, les yeux légèrement saillants. Il prononçait des mots enfiévrés et violents. Edith était près de lui, tenant sa main. Je n'éprouvai jamais pour Mrs. Talbot une plus grande admiration qu'en ce moment. Elle était accusée du plus horrible crime dont on puisse charger quelqu'un. Elle avait subi, durant des mois, la plus atroce torture morale, et cependant, elle demeurait aux côtés de l'homme qui l'avait accusée, s'oubliant elle-même. Tandis qu'il parlait avec dureté, tandis qu'il s'emportait furieusement, elle essayait de l'adoucir. Je remarquai qu'elle lui en serrait la main comme s'il eût voulu s'y accrocher. Pourtant, il la haïssait. Il avait révélé de la perdre. « Mrs. Talbot, dis-je, voulez-vous avoir la bonté de quitter la chambre ? Je souhaiterais dire quelques mots à votre mari. » Ma présence et le son de ma voix lui causèrent un tel soulagement qu'elle parut sur le point de s'évanouir. Elle me regarda avec une émotion sans égale et sortit doucement de la chambre, fermant la porte derrière elle. « Pourquoi l'avez-vous renvoyée ? » cria Talbot d'une voix dure et pénétrante. « J'entends qu'elle revienne. Qu'est-ce qu'une femme qui s'éloigne du chevet de son mari mourant ? Elle m'a empoisonné. C'est bien le moins qu'elle me voie rendre le dernier soupir. » « Ce sera, pour elle, un plaisir de jouir dans son œuvre de mort. « Regardez-moi, Talbot, dis-je. On ne doit point abuser d'un homme qui se trouve dans votre état. Mais vous avez suffisamment votre connaissance pour comprendre ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas plus que moi, victime d'un empoisonnement. Sachez, monsieur, que si la dose, qui d'après vous, aurait été introduite en vous par votre innocente épouse, se trouvait réellement dans vos veines, vous seriez mort depuis 2 ou 3 heures. Vous êtes coupable d'une machination diabolique contre la vie et la réputation d'une femme sans défense. En présence d'un médecin, vous ne pouvez maintenir un seul instant votre assertion. Je vous invite à confesser la vérité sans délai. » Tandis que je parlais, l'homme regardait de ses yeux ternes. Un moment, il demeura confondu, puis sa mâchoire se détendit et il retomba évanoui sur ses oreillers. Je vis que mes paroles avaient porté. Mais l'état du malade ne me permettait pas de continuer. Je lui fis prendre des réconfortants, tâtai son pouls, écoutai son cœur, et conclus qu'il était indiscutablement empoisonné, mais non point par le poison mortel dont il accusait sa femme de s'être servie. Je le quittai au bout d'un moment et descendis parler à Mrs. Talbot. « Prenez courage, lui dis-je. Votre mari est en ce moment dans un état très grave. Mais tout d'abord, il n'est point mourant. Ensuite, il n'a jamais absorbé le poison mortel qu'il vous accuse de lui avoir administré. Reprenez donc courage. Je désire vous interroger. Talbot est très mal, mais il en reviendra probablement. Vous me disiez hier que vous aviez l'habitude de lui faire des piqûres de morphine. Êtes-vous absolument sûr qu'il n'employait que la morphine pour ses injections ? Il se servait tantôt de morphine seule, tantôt de morphine mélangée avec une autre mixture, répondit-elle. Quand il était particulièrement souffrant, il avait coutume de mélanger la morphine à une autre drogue. La bouteille est là-haut, voulez-vous que j'aille la chercher ? Oui, fis-je. Elle sortit et revint quelques instants après avec un flacon qu'elle me tendit. Le mélange avait été fait par un pharmacien, et l'étiquette portait seulement quelques-unes des indications habituelles. J'enlevai le bouchon, sentis et goûtai le contenu. Comme un éclair, la cause de l'étrange crise de Talbot me vint à l'esprit. « Parbleu ! M'écriai-je, c'est de la cannabis indica !» « Que signifient ces mots ?» demanda Edith, les pupilles dilatées. « Cela signifie, répondis-je en me levant, que tous les symptômes de votre mari correspondent à ceux d'un empoisonnement avec la cannabis indica. La peptone du venin arrêterait l'action du cœur et la respiration et causerait la mort par asphyxie. Aucun de ces symptômes n'apparaît chez votre mari. Le cœur est agité au lieu d'être affaibli. Il n'éprouve aucune difficulté à respirer. L'accusation formulée contre vous tombe absolument. Si vous avez injecté dans son bras de la peptone de venin, il serait mort depuis quelques heures. Or, il est encore vivant, quoique très malade. Tous les symptômes correspondent donc à ceux d'un empoisonnement par la cannabis indica, qui, prise à forte dose, produit une surexcitation du cerveau et du cœur. Il s'est sans doute injecté lui-même cette dose mortelle. Je sais qu'il le faisait souvent. Quand il usait du mélange, il se servait lui-même de la seringue hypodermique. Quand il utilisait seulement la morphine, il préférait avoir recours à moi. Mais que faut-il faire? Quel est votre avis? J'aimerais voir votre père, dis-je, après une pause durant laquelle je réfléchis. Il connaît probablement le passé de Talbot. Que peut-il en savoir? Mon mari revint des Indes il y a 18 mois. Il s'établit ici et nous nous rencontrâmes tout à fait par hasard. Vraiment? Je voudrais pourtant éclaircir certains points de sa vie passée, et il est possible qu'il soit parvenu aux oreilles de votre père. Pouvez-vous le faire venir? Certes, je le peux. Mon père habite à 5 000 d'ici seulement. Je vais envoyer la voiture avec un mot le priant de venir immédiatement. C'est cela, répondis-je. Pendant ce temps, je remonterai près du malade. Docteur Halifax, demanda Mrs. Talbot, comptez-vous nous quitter aujourd'hui? Je ne vous abandonnerai certainement pas avant le rétablissement de votre mari, répondis-je. Un faible sourire apparut un instant sur les lèvres mélancoliques. Elle s'assit pour écrire à son père et je remontai près de Talbot. Je lui administrai quelques calmants et vis peu à peu décroître les symptômes. Comme j'étais assis près du lit, veillant le profond sommeil du malade, il me vint à l'esprit que ceci était un indiscutable, quoique extraordinaire, cas de folie. Toutefois, je n'en pouvais être sûr jusqu'à ce que j'eusse appris certains détails concernant l'existence antérieure de Talbot. Vers 2 heures, Edith vint me prévenir que son père m'attendait en bas. Je connais un peu Keane, mais pas autant que sa fille. C'était un homme maigre, à figure livide, avec une expression anxieuse et indécise. Edith l'avait évidemment mis au courant car il semblait troublé et abattu. « Je suis content de vous voir ici, Halifax, » dit-il en me saisissant la main. Quel drame épouvantable! Ma pauvre enfant! Que faire pour elle? Je priai M. Keane de me suivre dans le cabinet de Talbot. Ayant fermé la porte, je commençai brusquement. Je vous ai envoyé chercher pour vous poser la question suivante à laquelle je vous prie de répondre sans détour. Lorsque vous donnâtes votre fille à Talbot, connaissiez-vous son passé? Keane rougit. Que Dieu me pardonne! S'écria-t-il. Pourquoi me posez-vous cette question, Halifax? « Parce qu'elle est indispensable, » répondis-je, « pour me permettre d'éclairer le mystère actuel. » Je vous dirai franchement que je n'ai jamais vu de plan plus diabolique formé contre une brave et innocente femme. Je ne puis me l'expliquer que par la folie de son auteur. Pouvez-vous m'indiquer quelqu'un ait autrefois connu Talbot ?»« Ceci n'est pas nécessaire, docteur Halifax, » répondit Keane. « Hélas, je suis terriblement à blâmer. Lorsque j'accordais Edith à Talbot, j'étais au courant de son passé. Il avait été fou durant plusieurs années et enfermé dans un asile des Indes. À l'époque de son mariage, on supposait qu'il était complètement rétabli. Autrement, bien calculé au désespoir, je ne lui aurais pas donné ma fille. « Edith savait-elle cela ? » demandait Jacqueline. « Non, je le lui ai soigneusement caché. Je n'ai pas besoin de vous montrer comme vous avez mal agi. Ce n'est pas à moi de le faire. Pour le moment, éclairez-moi dans la mesure du possible. » La folie de Talbot présentait-elle un caractère particulier? À cette époque, on remarqua quelques particularités, répondit Keane. Ainsi, il arriva que Talbot, pendant sa jeunesse, fut gravement, mais non mortellement mordu par un cobra. Il n'avait jamais eu la tête bien solide et la secousse eut sur ses nerfs un étrange effet, produisant par intervalles de violents accès de folie. En de telles circonstances, une de ses hallucinations les plus habituelles était qu'on avait tenté de lui injecter du venin de cobra. Vous saviez ceci, et vous lui avez donné votre fille. Je regrette de l'avoir fait, mais à cette époque mes soucis me faisaient perdre la tête. L'argent que m'offrait Talbot devait me sauver. Il avait recouvré sa raison depuis plusieurs années, et je croyais fermement qu'il ne retomberait jamais plus dans cette folie. Je me suis trompé, que Dieu me pardonne. J'espère qu'il le fera, répondis-je. Je vais retrouver mon malade. Vous avez complètement éclairci ce mystère. Il ne reste plus qu'à retrouver cette fiole de poison, car il y aura danger à laisser vivre ensemble votre fille et Talbot. tant que ce dernier aura ce flacon en sa possession. « Comment savez-vous qu'il l'a ? » demanda Keane. « Il ne saurait y avoir de doute sur ce point. Il l'a évidemment pris dans le secrétaire de Mrs. Talbot. Je retournerai pierre sur pierre s'il le faut, mais je le lui reprendrai. » Alors il ne s'en est point injecté. Jamais de la vie, s'il l'avait fait, il serait mort depuis plusieurs heures. Je retournai près du malade, qui dormait profondément. Les effets de la cannabis indica se poursuivaient, et je jugeais que quand Talbot s'éveillerait, il aurait à peu près retrouvé sa raison. C'est ce qui arriva. Il ouvrit les yeux, tard dans la journée, et me regarda avec surprise. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Pourquoi êtes-vous ici, docteur Halifax ?»« Je suis content de voir que vous allez mieux, » répondis-je. « Vous avez été très malade. »« Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. » Je le surveillai attentivement. Il s'agita sur ses oreillers et demanda à sa femme. « Avez-vous réellement besoin de la voir ?»« Certainement. Nul ne s'entend comme Edith à préparer le thé, et je désire qu'il m'en donne une tasse. » « Je m'étonne que vous puissiez supporter sa vue après la façon cruelle et abominable dont vous l'avez traité. » Quand je dis ces mots, le visage de Talbot devint rouge de colère. « Monsieur, vous vous oubliez !»« Nullement, monsieur Talbot, » répondis-je. « C'est pour moi un devoir pénible de rafraîchir votre mémoire. Vous étiez très souffrant, la nuit dernière, aux portes de la mort. Vous avez accusé votre femme d'avoir tenté de vous empoisonner avec une fiole de venin de cobra. » Lorsque je prononçai le mot « cobra », l'homme tressaillit et une expression de malaise apparut dans son regard. « Vous avez accusé votre femme de vous avoir empoisonné, » continuai-je, « alors que vous savez parfaitement qu'il n'en était rien. Votre maladie avait pour cause votre propre démence. Vous étiez injecté une forte dose de cannabis indica. Cette drogue, administrée sans jugement, produit une surexcitation voisine de la folie. » Talbot m'avait écouté en silence. Il dit alors d'un ton radouci. « Pensez-vous donc, docteur Halifax, que je n'avais pas, cette nuit, ma tête à moi ?»« Non seulement je le pense, mais je l'affirme, » répondis-je. « Vous dites que je me suis fait une injection de cannabis indica. C'est la vérité, Talbot, et vous le savez, j'en ai la preuve. Il est inutile de nier. »« Vous dites, » continua Talbot, « que dans mon accès de folie, j'accusais ma femme, ma jeune femme, de m'avoir empoisonné. Cela est. » »« Si j'ai agi ainsi, c'est que je suis fou. » La drogue que vous étiez injectée vous avait rendu telle, répondis-je. Pensez-vous que je sois encore fou ? Non, les effets de la cannabis indica s'atténuent et vous êtes dans votre bon sens. Me croirez-vous, si je vous affirme sur mon honneur, que je n'ai pas le plus léger souvenir de ce que vous dites être arrivé la nuit dernière ? Ma femme est la plus douce et la plus charmante des femmes. Je l'aime chaque jour davantage. Je vous crois, répondis-je soudain. Et pourtant, Talbot, depuis votre mariage, vous avez été cruel à son égard. Vous lui avez fait souffrir les affres de l'agonie. Vous lui avez infligé de tels moments de torture qu'elle a songé à mettre fin à ses jours. Ciel, que dites-vous ? Moi, qui ai toujours follement aimé, pour quelle brute me prenez-vous ? Je vous prends pour un homme qui ne sait pas toujours ce qu'il fait, répondis-je. Oui, oui, je me rappelle maintenant certaines choses, fit Talbot. J'étais autrefois dans un asile. Il y a des années de cela, ma folie avait été provoquée par les suites de la morsure d'un cobra. À propos, dis-je aussi doucement que je pus, vous avez en votre possession une fiole de venin de cobra. J'aimerais que vous me la donniez. Il me regarda d'un œil soupçonneux. Jusqu'à ce moment, il avait paru calme et raisonnable. Maintenant, la démence reparaissait dans ses yeux. J'ai besoin de cette bouteille, fit-il. Cela peut être utile. Voulez-vous me la confier ? Demandai-je. Il me regarda de nouveau et faisant un violent effort pour maîtriser l'irritation qui s'élevait en lui. « Halifax, » dit-il, se penchant vers moi et saisissant mon bras avec une de ses mains. La seule pensée du venin de cobra m'effraie plus que tout au monde. La semaine passée, j'ai trouvé ce poison dans l'armoire de ma femme. Depuis lors, cette idée m'a hanté jour et nuit. Mes rêves étaient peuplés de visions. Je voyais le cobra avec sa tête encapuchonnée. Je voyais ses yeux, à l'invariable expression méchante. Quand je réussissais à m'endormir, je sentais sa soudaine attaque et je m'éveillais, baigné de sueur et malade de terreur. 20 fois le jour, je voulais jeter le poison, mais je n'eus jamais le courage de le faire. Pour l'amour de Dieu, prenez-le et détruisez-le. Où est-il ? Demandai-je. Vous serez plus calme quand il n'existera plus. Non, interrompit-il, changeant de ton. Il vaut mieux que je le garde. Quelques jours, il me délivrera de mon éternelle agonie. La mort serait moins pénible. Après l'horreur de l'injection, la souffrance finirait. « Ne dites pas de folie, Talbot » fis-je. « Vous vous surexcitez d'une façon absolument déraisonnable. Vous avez gardé votre raison pendant des années, et si vous suivez mes conseils, vous la recouvrerez pour le reste de vos jours. Mes jours sont comptés, Halifax. Je suis atteint d'une maladie incurable, au sujet de laquelle je compte aller vous consulter, comme nous en étions convenus. Supposons qu'il en soit ainsi, répondis-je. Il faut avoir le courage de finir vos jours en homme brave et sensé. Ne cédez pas à cette horrible pensée. Donnez-moi le poison. » Il hésita. Un combat violent parut se livrer en lui. Soudain, il plongea la main sous son oreiller et découvrit un petit flacon avec un bouchon de verre. Quand il l'aperçut, il éclata d'un rire dément. Je sautai sur le flacon et le lui arrachai. Mon mouvement fut si prompt qu'il ne put se mettre en garde. Je pris à peine le temps de lire le nom imprimé en gros caractères sur l'étiquette « Peptone de venin ». Puis, je lançai la fiole et son fatal contenu au beau milieu du feu brûlant dans la cheminée. Je m'attendais à ce que Talbot bondisse sur moi, mais en me retournant, je vis qu'il s'était subitement évanoui. Le reste de cette étrange histoire peut se compter en quelques mots. Quand Talbot revint de son évanouissement, il s'était adouci et avait retrouvé sa raison. J'envoyai chercher sa femme, il la reçut avec un sourire empreint de l'affection la plus profonde, et ne parut calme et à l'instant qu'autant qu'il tint ses mains dans les siennes. Le soir, je l'auscultai soigneusement et me convainquis que ses conjectures sur lui-même étaient fondées. Ses jours sur terre étaient comptés. Il survécut une quinzaine et mourut. Durant ce court espace, il n'eut aucun retour de folie. Ses dernières paroles, ses derniers regards affectueux furent pour la jeune femme qu'il avait, aux heures de sa folie, si vilainement et si cruellement traitée. Ainsi s'achève La mort encapuchonnée par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax.